La science CQFD, Natacha Triou. Depuis les années 90, on sait que la plupart des grosses galaxies hébergent en leur cœur un trou noir supermassif. Mais un trou noir peut-il être en fuite et vagabonder dans l'espace intergalactique ? On ne sait pas grand-chose sur la vie secrète des trous noirs supermassifs, alors imaginez ceux qui seraient en cavale. C'est une idée apparue récemment. On sait que les galaxies peuvent fusionner. Dans ce mouvement, l'un de ces astres ultra-compacts pourrait être éjecté. Pour la première fois, le télescope Hubble aurait peut-être capturé l'un d'entre eux en plein délit de fuite. Cette observation doit encore être confirmée, mais elle interroge. Comment ces astres se forment-ils? Comment évoluent-ils? Et quel rôle jouent-ils dans la formation des galaxies? Trou noir supermassif errant, la grande évasion. Alain Riazuelo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous êtes l'auteur de « Pourquoi E égale MC2 » paru en 2022 aux éditions Humaine Science. Nous sommes en ligne également avec Nathalie Webb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Je vous invite également à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources complémentaires. C'est @sciencecqfd et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de trous noirs supermassifs, de parmi eux, de comment se fait-il que certains se mettent à errer des différentes méthodes d'observation et des progrès qui sont à prévoir dans ce domaine. Pour commencer, on revient un peu en arrière quand en 1973, on s'interrogeait sur l'existence de ces objets théoriques. C'est notre archive du jour. Je dois dire que mon opinion personnelle sur les trous noirs, c'est qu'il s'agit d'une théorie extrêmement intéressante. Théoriquement, les trous noirs sont possibles. Et il y a de bons arguments pour penser qu'ils existent. De bons arguments, j'en voudrais donner un simplement, si vous voulez, pour ne pas trop alourdir. Un bon argument a été donné par Cameron lui-même. Cameron a remarqué, il n'est pas le premier d'ailleurs, que la galaxie, notre galaxie, cette immense roue d'étoiles à laquelle appartient notre Soleil, notre galaxie a une masse qui est nettement trop faible compte tenu de son mouvement de rotation. Elle devrait avoir soit une vitesse de rotation plus forte, soit une masse plus forte. Or, la vitesse de rotation, on la mesure, elle est ce qu'elle est, et donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et Cameron dit, c'est pas étonnant, la masse, elle y est, mais elle y est sous la forme de trous noirs. Il y a 4/5 de la masse de la galaxie qui se trouve là, mais invisible, n'envoie aucun photon, n'envoie pas de lumière, et se trouve là sous forme de trous noirs. Je dirais donc que le trou noir est une hypothèse ad hoc, si vous voulez, qui permet d'expliquer certains phénomènes, mais faire un diagnostic qui prouve qu'il y a un trou noir, je crois qu'on en est encore loin. Pour l'instant, il est déjà beau que la théorie ait montré la possibilité pour ces trous noirs d'exister. Voilà notre archive de 1973. Nathalie Webb, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, effectivement, en 1973, ça faisait pas très longtemps qu'on avait des observations qui laissaient penser qu'il y avait vraiment des trous noirs qu'on avait observés à ce moment-là. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'on n'était pas très, très sûr que de leur existence encore. 1973 et les trous noirs, Alain Riazuelo. En effet, une existence qu'on touche comme ça du bout du doigt. Alors qu'on touche du bout du doigt depuis fin 72 en fait. Le premier article scientifique où il y a un auteur qui dit cet objet, l'objet Sinus X1 est un trou noir, présent l'indicatif, c'est fin 72. Et donc en 73, les gens préfèrent être prudents. Les scientifiques n'aiment pas se tromper, donc ils sont prudents. Alors on va continuer nous aussi à être prudents tout au long de cette émission, parce qu'on va parler d'une nouvelle détection éventuelle. Mais avant de parler de trous noirs errants, c'est déjà des drôles de bestioles, on doit déjà rappeler ce que c'est un trou noir. Alain Riazuelo, qu'est-ce qu'un trou noir ? Alors le concept de trou noir est très ancien, il date de la fin du XVIIIe siècle, donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire. L'idée c'est simplement de dire que quand sur Terre vous jetez un caillou, le caillou va s'élever puis retomber, plus vous le jetez fort, plus il va s'élever longtemps avant de retomber, mais si vous le jetez vraiment très fort, il va s'échapper et ne jamais retomber sur Terre. Et donc si vous adaptez ce concept qu'il faut une vitesse limite pour échapper à l'attraction terrestre, à la lumière, qui elle-même se déplace à une certaine vitesse, eh bien peut-être qu'il existe des objets capables de retenir la lumière. Et donc dans ce cas-là, ces objets, vous n'allez pas les voir, donc ils seront nécessairement noirs. Un trou noir, c'est un objet qui ne se voit pas. Exactement. C'est un objet que vous pouvez, dont vous pouvez voir la silhouette sur un fond lumineux, mais c'est un objet qui n'émet pas de lumière du tout. Et donc, évidemment, en astronomie, c'est difficile de voir des objets qui n'émettent pas de lumière, puisque presque tout ce qu'on observe l'est par le biais de la lumière. Nathalie, pour compléter ce portrait de trou noir. Oui, effectivement. Le fait qu'on ne voit pas, c'est une partie. Et un trou noir, en fait, autre ça, c'est un objet très simple qu'on caractérise avec deux paramètres seulement, c'est-à-dire combien ça pèse, donc la masse, hein, et aussi si c'est en rotation ou pas du tout. Donc voilà. Un trou noir, hein, ce qu'on doit dire ensemble, Alain Riazuelo, c'est cette région de l'espace dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche donc toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Voilà, en fait, c'est un objet qui a été conceptualisé avant qu'on l'identifie. Et donc, c'est un des rares objets en astronomie dont le nom est très évocateur, puisqu'on a trouvé le nom à partir du concept. Souvent, en astronomie, on observe des objets dont on ne sait pas ce qu'ils sont, donc on leur donne un nom, on les catégorise sans vraiment savoir si on a bon. Et là, ça a été le contraire. Et donc, trou noir, c'est très évocateur. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ces objets sont finalement assez populaires, puisque on devine un peu ce que c'est rien qu'à l'évocation du nom. Nathalie Webb ? Oui. Nathalie Webb, je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si notre connexion est très bonne avec vous, si vous entendez ce que nous dites avec Alain Riazuelo. Oui, je vous entends, oui. Très bien, mais pour compléter ce portrait de trou noir, il faut... Ce que vous venez de dire, et pour réagir à ce que vous venez de dire, Alain Riazuelo, finalement, d'une certaine façon, le terme trou est assez inapproprié. On devrait plutôt parler de bulle noire si on doit conceptualiser concrètement sa forme physique dans l'espace, Nathalie Webb. Oui, effectivement, oui, c'est une région toute petite de l'espace, hein, qu'on n'arrive pas à le voir. Effectivement, il n'y a pas de lumière qui est émise depuis ces trous noirs. Donc, oui, c'est difficile à imaginer. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on avait donné ce nom à un trou noir. L'autre chose qu'il faut imaginer, Alain Riazuelo, c'est cet horizon d'événements d'un trou noir. Donc en fait, au départ, l'idée du trou noir, c'était un astre qui avait peut-être une surface solide et dont on ne pouvait pas s'échapper. Et puis au début du XXe siècle, on s'est rendu compte que c'était encore pire que ça, c'est-à-dire que un objet qui devenait aussi petit qu'un trou noir de même masse, il pouvait pas rester statique tel qu'il était, il s'effondrait sur lui-même, pour en gros se concentrer en un point. Donc un trou noir, ça n'a pas de surface solide. Il y a une surface, il y a une zone qui délimite l'intérieur et l'extérieur, mais qui est une zone vide de matière. Donc vous ne vous rendez pas compte quand vous franchissez le point de non-retour et que vous entrez dans ces objets d'une certaine façon. Et l'horizon des événements, c'est cette limite au-deçà de laquelle le trou noir empêche tout rayonnement de s'échapper. Voilà. Très bien. Alors on sait maintenant qu'il existe plusieurs types de trous noirs, que la famille des trous noirs s'est agrandie. Il en existe à peu près trois types, Alain Riazuelo. Alors, historiquement, les premiers trous noirs qui ont été envisagés, ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, donc ce sont des étoiles plutôt massives, dont le cœur s'effondre, donc se comprime beaucoup en fin de vie, au point d'empêcher la lumière de s'en échapper. Donc on appelle ça des trous noirs stellaires. Ce sont des objets qui sont petits, ils ont une taille de quelques dizaines de kilomètres de diamètre, et qui ont une masse comparable à ceux d'une étoile. Et à la grande surprise des astronomes, on a commencé à soupçonner à partir de la fin des années 60, et puis on a confirmé quelques décennies plus tard, qu'il existait des trous noirs géants qui étaient trouvés au centre des galaxies. Donc ça a été un grand mystère, parce que il y a un tel écart de masse entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs, dont la masse se compte en millions de masses solaires, voire plus, que évidemment ça suggère une origine différente, une évolution différente, et donc des processus auxquels on n'avait pas pensé pour expliquer l'existence même de ces objets-là. Oui, donc on a donc ces trous noirs stellaires, une masse comprise entre 3 à 5 masses solaires, maximum de 14 masses, et ces trous noirs supermassifs, et entre les deux, les trous noirs intermédiaires. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les trous noirs sont des objets discrets, hein, ils n'émettent pas de lumière, donc on a du mal à les détecter. Et un trou noir va être d'autant plus difficile à détecter qu'il est peu massif. Donc les trous noirs supermassifs sont faciles à détecter, d'abord parce que l'expérience montre qu'ils sont au centre des galaxies, donc on sait où les chercher. Et ils sont faciles à détecter parce que leur zone d'influence est importante du fait qu'ils sont massifs. Et moins le trou noir est massif, plus il est difficile à détecter. Donc on ne sait pas quelle est la limite inférieure à ces trous noirs dits supermassifs. Et donc, on soupçonne qu'entre la catégorie des trous noirs stellaires et des trous noirs supermassifs, il y a quelque chose dont on ne sait pas si c'est les gros objets de la petite catégorie ou les petits objets de la grande. Nathalie Webb, on vous a récupéré. Quelle est la différence entre trou noir supermassif, trou noir intermédiaire, hein? Quel est le critère pour délimiter ces deux catégories? Oui, c'est pas très ferme, en fait, la différence entre les deux. C'est-à-dire, les trous noirs supermassifs, comme on vient d'entendre, sont souvent dits de à peu près 1 million, peut-être jusqu'à 10 milliards de fois la masse de notre Soleil. Donc, ce sont vraiment des objets très, très massifs. Notre Soleil, juste par référence, c'est de 10 puissance 30 kg. Donc, c'est vraiment beaucoup de matière. Et les trous noirs de masse intermédiaire sont à peu près une centaine jusqu'à 100 000 fois la masse de notre Soleil. Donc, un petit peu plus petit, mais plus massif que les trous noirs de masse stellaire. Et c'est ça, c'est que la définition d'un trou noir supermassif par rapport à un trou noir intermédiaire à la région Jolot, c'est pas si évident que ça. On ne sait pas si l'un est issu de la même catégorie que l'autre, déjà. On a du mal à identifier ces trous noirs intermédiaires précisément parce qu'ils sont discrets. Est-ce qu'ils sont situés au cœur ou ils étaient situés au cœur de petites galaxies? Est-ce que ce sont des trous noirs stellaires qui ont beaucoup grossi? Donc, comme on ne sait pas, en science, quand on ne sait pas encore, on aime bien classifier les choses. Et là, on ne sait même pas dans quelle case exactement les mettre. Donc, évidemment, on est un peu embêté, mais bon, ça ne durera pas. C'est la question de l'origine là, que vous posiez finalement. Oui, c'est ça. Les trous noirs stellaires ont une origine qui est comprise. Ils sont difficiles à observer parce que de faible masse, on en observe quelques-uns quand même malgré tout, et les trous noirs supermassifs sont très peu nombreux, mais très faciles à observer. Et par contre, leur origine n'est pas du tout bien comprise, et c'est un des grands mystères de l'astronomie actuelle, c'est-à-dire comment des objets peuvent acquérir une masse aussi importante, parfois en un temps extrêmement bref, puisqu'on observe des trous noirs supermassifs dans des galaxies très lointaines, c'est-à-dire que l'on observe à une époque très ancienne de l'histoire de l'univers. Voilà, et par rapport justement à ce grand mystère, il existerait un quatrième type de trous noirs, les trous noirs primordiaux. On y reviendra justement en deuxième partie d'émission. Et pour compléter ce tableau de chasse, Nathalie Webb, comment faire la lumière sur les trous noirs? Quelle méthode de détection? Puisque un trou noir, par définition, ça ne se voit pas. Donc comment les détecter et pourquoi est-il si difficile de les repérer? Ouais, effectivement, le fait qu'ils sont noirs, ça les rend compliqués à détecter. Mais il y a deux manières aujourd'hui qui sont très utilisées. Donc, soit parce qu'il y a beaucoup de gaz et de poussière qui est à proximité de trous noirs. Et en fait, quand cette matière va tomber dans le trou noir, souvent, ça va spiraler tout autour du trou noir. Ça va devenir très chaud parce que à cause du frottement entre les particules, de la même manière que si on frotte les mains entre elles, on sent que les mains se chauffent. Même chose se passe avec la matière. Et donc cette matière peut rayonner et on peut le détecter. Donc ça c'est une première manière. Et une deuxième manière de les détecter, c'est plus récent. C'est à partir des ondes gravitationnelles, donc ça c'est un petit peu plus compliqué et on les détecte principalement quand il y a deux trous noirs qui sont en train de coalescer pour en faire qu'un trou noir. Alain Riazuelo? Oui, en fait, les étoiles vivent en couple, enfin vivent parfois en couple, hein, et vous avez à peu près autant d'étoiles en couple que d'étoiles célibataires. Donc si vous avez deux étoiles massives en couple, ça peut finir en un couple de deux trous noirs. Et sous certaines conditions, en particulier si au moment de leur formation les trous noirs sont suffisamment proches, ils vont lentement mais sûrement spiraler l'un vers l'autre et entrer en collision. Donc les collisions de trous noirs sont inévitables d'une certaine façon. Et ce que l'on sait des lois de la gravitation, c'est que ce que nous on interprète comme une force, nous sommes attirés vers le sol, nous semble-t-il, c'est plutôt l'espace qui est déformé. Et quand deux objets sont en orbite l'un autour de l'autre, bah, c'est un peu comme vous touillez quand vous touillez votre tasse de café avec une cuillère, ça fait des petites vaguelettes, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles, elles emportent de l'énergie, elles font que les deux objets qui tournent l'un autour de l'autre se rapprochent pour finir par fusionner. Et c'est par le biais de ces petites rides de l'espace-temps que l'on détecte les collisions de trous noirs par ce biais. Donc c'est très difficile. Ça a été un projet qui s'est étalé sur plus d'un demi-siècle. Mais maintenant, on y arrive. Et on on apprend plus de choses maintenant sur les fusions et donc un des mécanismes de croissance des trous noirs par fusion successive. Voilà, c'est que dans cette histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, un trou noir, c'est une solution d'équations mathématiques avec une existence théorique jusqu'à ce qu'on commence à en obtenir des indices concrets, Nathalie Webb. Oui, tout à fait. Oui. On a de la chance que, ouais, depuis 72, maintenant, qu'on peut les détecter avec la lumière. Et depuis, on les détecte grâce à ces bandes de gravitation qui viennent d'être décrites. Donc, oui, l'étude des trous noirs, ça avait été décrit dans les années 60-70 comme le paradis des théoriciens et le cauchemar des observateurs. C'est-à-dire, c'est des objets, on pouvait faire plein de calculs, donc c'était quand même génial. C'est des objets qui sont très simples, hein, comme l'a dit ma collègue. Donc c'est des objets sur lesquels on peut faire pas mal de calculs. La seule difficulté, c'est de confronter ça au monde réel, c'est-à-dire de s'assurer qu'ils existent. Et pendant longtemps, effectivement, ça a été un frein. Et dès les années 60, les gens ont réfléchi à des méthodes pour détecter les trous noirs, donc via les ondes gravitationnelles. Et donc, il faut bien imaginer que lors d'une conférence scientifique, les gens ont un peu regardé de quels instruments ils disposaient à l'époque, de combien il fallait améliorer la précision des instruments pour détecter la collision de trous noirs. Et en gros, avec la technologie des années 60, il fallait améliorer d'un facteur 1 milliard la précision des instruments. Et il y a plein de gens qui se sont mis autour d'une table et qui ont dit « Est-ce qu'on peut faire ça ?» Et ils sont arrivés à la conclusion que oui, ça prendrait peut-être un demi-siècle, mais qu'il n'y avait pas d'impossibilité technologique ou financière majeure, pourvu qu'on fasse l'effort, un effort suffisant. Et donc des gens ont réussi à convaincre les autorités de financer ce genre de recherche. Et finalement, 50 ans plus tard, on a réussi. Donc bravo à ceux qui ont eu cette force de conviction de dire c'est difficile, mais c'est faisable et surtout ça vaut le coup. Et jusqu'à la première observation directe, hein, cette image historique qu'on a tous eu en tête, c'est la fameuse image du donut, hein, du trou noir supermassif M87 étoiles en 2019. Là, à ce moment-là, Alain Riazuelo, c'est une sorte d'apothéose de la recherche de trous noirs. Alors, je pense que pour les scientifiques, l'apothéose, c'était 3 ans avant quand on a vu la collision de trous noirs via la détection de la collision de trous noirs via les ondes gravitationnelles. Mais à cette époque-là, et vous, en tant que spectatrice, je dirais, les scientifiques vous avez dit les trous noirs existent, mais en fait on vous demandait de nous croire sur parole. Alors que quand il y a eu l'image, évidemment, l'image elle appartient à tout le monde. Et donc effectivement, pour le grand public, les trous noirs sont devenus réels peut-être plus en 2019 qu'en 2016. Voilà, c'était cette image iconique. Maintenant que nous avons parlé de cette historique du trou noir supermassif, dans quelles conditions un trou noir supermassif peut-il devenir errant ? On vous parle du seul cas potentiel d'observation dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. h18 sur France Culture avec Nathalie Webb et Alain Riazuelo. Nous parlons de trous noirs et surtout de trous noirs supermassifs errants. Nous venons de définir ensemble ce qu'est un trou noir, qu'il en existe différents types. Parlons à présent de ces trous noirs en cavale. Alain Riazuelo, comment définit-on les trous noirs supermassifs errants par rapport aux trous noirs supermassifs classiques ? Eh bien, d'ordinaire, les trous noirs supermassifs sont au centre des galaxies. Notre galaxie, la Voie lactée, possède un trou noir supermassif en son centre qui s'appelle SGR à étoiles. Et pour une raison ou pour une autre, il est possible que ce trou noir soit expulsé de sa galaxie. Donc il faut bien voir qu'une galaxie, c'est pas comme le système solaire où l'objet central aurait une masse qui domine tout le reste. Hein. Le trou noir supermassif de notre galaxie est des milliers de fois moins massif que l'ensemble de la galaxie. Et donc il est possible, sous certains processus physiques qui ont été envisagés, que le trou noir se fasse expulser de sa maison. Et dans ce cas-là, il devient un trou noir supermassif, sa masse n'a pas changé, mais errant. Et toute la difficulté, évidemment, est d'arriver à le détecter, puisque pour le coup, quand il erre entre deux galaxies, il interagit beaucoup moins avec son environnement, et donc il est plus difficile à débusquer. Oui, on a vu déjà que c'était difficile de débusquer un trou noir en plein cœur de sa galaxie. Nathalie Webb, pour revenir sur cette définition, qu'est-ce que ça signifie un trou noir supermassif en fuite ? C'est ceux donc qui ne sont pas vraiment au centre de leur galaxie. Ah oui, donc souvent on les trouve pas proches à un centre d'une galaxie. Et ça c'est parce qu'en fait ils sont dans des petites galaxies qui sont en train de coalescer avec la galaxie haute. Mais en fait, il se peut que par ces interactions d'ondes gravitationnelles, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on peut avoir un des trous noirs qui peut être éjecté pendant ce processus de mergeur. Oui, pour compléter, Alain Rieu-Azello, d'où vient l'hypothèse de trous noirs supermassifs en fuite ? C'est d'abord en théorie, puis ensuite avec des simulations ? Alors déjà, il y a des étoiles en fuite dans notre galaxie. Toutes les étoiles tournent autour de leur galaxie d'origine. Des fois, lors de rencontres approchées, elles changent radicalement de direction. Des fois, elles passent très près de la région centrale où elles sont beaucoup accélérées. Et si au moment où elles sont beaucoup accélérées, elles changent de direction, elles peuvent effectivement s'échapper de leur galaxie, un peu par le même mécanisme que les sondes Voyager ont pu s'échapper du système solaire, d'une certaine façon. En ajustant leur trajectoire pour qu'elles rencontrent ou qu'elles passent à proximité des planètes géantes, les sondes Voyager ont acquis à chaque passage des planètes une vitesse supplémentaire qui leur a permis de s'échapper. Donc, ce mécanisme-là, les lois de la gravitation, permettent de le réaliser. Et donc, il est évidemment facile à cela d'expulser des petits objets, des objets peu massifs. Il est d'autant plus difficile d'expulser des objets très massifs. Mais les probabilités disent que ça n'est pas non plus impossible. Donc, c'est ce genre de choses-là qui a été envisagé il y a un certain temps, sans savoir à quel point ça pouvait se produire. Et là, on a l'impression que ça s'est peut-être bien produit il y a peu dans la galaxie dont on va parler bientôt. Et c'est une idée qui est née donc assez récemment, mais ce qui est difficile à évaluer, ce serait la fréquence du phénomène, Nathalie Webb. Oui, effectivement. Il est possible que ça arrive assez souvent, mais après, pour détecter ces trous noirs, ça c'est vraiment quelque chose de très très compliqué, parce que souvent il n'y a pas de matière à proximité, comme j'avais décrit tout à l'heure, qui peut faire briller la région autour des trous noirs, et donc ça la rend difficile à détecter. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différents types de trous noirs dans cette grande famille. Est-ce que théoriquement, des petits trous noirs errants ou des trous noirs, des trous noirs intermédiaires errants peuvent exister à la Rieu-Azello ? Oui, d'ailleurs, je crois qu'on en a détecté déjà quelques-uns au voisinage de notre galaxie par une mission européenne qui s'appelle Gaïa, donc qui recense des quantités importantes de populations d'étoiles et qui, à l'occasion, découvre quelques trous noirs. Donc, ce concept-là que les galaxies s'évaporent, dans un sens un peu à préciser, et perdent une partie des astres qu'elles contiennent au cours des milliards d'années de son existence, ça c'est inévitable, c'est observé. Les trous noirs sont une petite fraction des objets qui existent, donc ça leur arrive aussi. Nathalie Webb ? Oui. Pour vous faire réagir vous aussi sur ces détections de trous noirs, de petits trous noirs errants. Oui, il est possible qu'il y a les petits trous noirs qui sont errants. À nouveau, c'est très difficile à les détecter. Donc, on peut imaginer que, justement, par ces processus qui viennent d'être décrits, on peut avoir ces petits trous noirs qui sont éjectés des systèmes de plusieurs étoiles. Et on a détecté des étoiles, effectivement, de cette manière. Mais pour l'instant, les petits trous noirs éjectés dans ces interactions, pour l'instant, on a du mal à les trouver. Alors jusqu'à présent, on n'a donc jamais observé de trous noirs supermassifs errants, mais dans The Astrophysical, le journal Letters, une étude publiée le 6 avril, un potentiel trou noir supermassif en fuite aurait été identifié. C'est notre actualité de cette émission. Ça a été une découverte tout à fait fortuite, par hasard. Il s'agirait donc d'un trou noir très massif qui traverse comme ça l'espace à des vitesses incroyables. Alain Rieu-Azello, ça c'est une découverte qui aurait été faite grâce justement au sillage laissé derrière ce trou noir. Voilà, donc alors l'histoire c'est qu'on a un groupe d'astronomes qui observe une petite galaxie d'univers proche. Dans le champ du cliché qui est fait de cette galaxie, bah, il y a évidemment plein d'autres objets, des étoiles d'avant-plan, des galaxies d'arrière-plan. Et en observant le cliché, ils observent un petit point un peu laiteux qui semble être une galaxie lointaine, et puis une petite traînée qui est parfaitement alignée avec ce point et qui est pas très loin. Comme s'il y avait une sorte de jet de lumière qui s'échappait de cette galaxie, mais qui ne démarre pas au bord de la galaxie qui démarre un peu plus loin. Et donc ils sont intrigués par cette bizarrerie dont ils n'ont jamais entendu parler. Ils compulsent la littérature, ils racontent ça dans leur article et ils trouvent aucune mention de ce genre de structure. Ils disent, bon, on a trouvé une curiosité. Et est-ce que, alors c'est curieux, mais est-ce que c'est intéressant? Et ils arrivent à la conclusion possible, alors c'est une hypothèse, hein, ils expliquent bien que c'est leur hypothèse favorite, mais ça n'est pas certain, que ça pourrait être donc le sillage laissé par un trou noir qui aurait été expulsé de cette galaxie suite à une fusion de deux galaxies. Ça n'est pas certain encore, puisque quelques semaines après, un autre groupe a proposé une autre interprétation, mais c'est l'hypothèse favorite des gens qui ont le plus étudié ce système pour l'instant. Nathalie Webb, sur cette détection et cette probable observation? Oui, c'est quelque chose d'inattendu en quelque sorte. Je comprends tout à fait ces astronomes qui ont fait la découverte quand ils ont vu se traîner dans leurs observations. Je pense pas qu'ils ont imaginé tout de suite que ça pourrait être une traînée, peut-être laissée derrière un trou noir qui était en train de s'échapper d'une interaction avec d'autres trous noirs. Donc, c'est pas étonnant qu'ils ont exploré beaucoup de possibilités différentes. Et bon, ça semble plus ou moins probable qu'on pourrait avoir ce genre de traînée. Est-ce que c'est exactement ce qu'ils ont trouvé? Bon, ça laisse encore du travail pour peut-être d'autres équipes pour valider ou vraiment refuter ce type d'hypothèse. Mais c'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Ce trou noir à supermassif de 20 millions de masses solaires a laissé derrière lui une traînée d'étoiles jamais vue auparavant, 200 000 années-lumière, c'est presque aussi long que notre Voie lactée. Alain Riaziello, d'où vient l'idée qu'un sillage d'étoiles pourrait être la trace d'un trou noir supermassif en fuite? Alors l'idée c'est de dire que autour de la galaxie vous avez du gaz qui n'est pas encore condensé en étoiles, donc ce gaz vous ne le voyez pas. Et si le trou noir passe à travers ce gaz à une haute vitesse, il va légèrement dévier, il va légèrement secouer ce gaz, si vous voulez, et il va le secouer d'une façon qui est ce qui se produit naturellement dans une galaxie quand des étoiles se forment. C'est-à-dire vous secouez un peu le gaz se refroidit, et en se refroidissant, il permet de se scinder en plus petites structures qui s'effondrent en étoiles. Mais Nathalie Webb, la formation d'étoiles est en partie liée à la présence des trous noirs? Dans ce cas-là, oui, ça va l'indiquer, la présence des trous noirs, parce qu'on a besoin quand même qu'il fait quelque chose qui fait un choc assez important à la matière qui pour y former ces étoiles. Donc, de ce fait, oui, c'est peut-être un bon indicateur qu'il y a quand même un trou noir qui est en train de passer à travers les gaz intergalactiques. Donc, c'est juste des gaz qui existent entre des galaxies différentes dans l'espace. Alors, comme vous l'avez dit, Alain Riaziello, c'est un phénomène rare, un rôle donc peut-être plutôt marginal. Cette fuite serait due aux interactions entre plusieurs galaxies différentes, mais plus précisément, quelle aurait été les causes les plus probables de ces exodes? Alors, il y a plusieurs sur le cliché qu'ont vu les astronomes. Donc, vous avez une galaxie d'une forme assez irrégulière, ce qui est probablement le signe qu'elle est issue de la fusion de deux galaxies dans un passé assez récent. Vous avez ce jet de lumière qui part d'un côté, et puis à l'opposé de ce jet de lumière, vous avez un petit point lumineux qui semble être aligné avec le reste du système, comme si finalement la galaxie avait expulsé deux machins. J'utilise volontairement le mot machin, un dans une direction, l'autre dans l'autre, la direction exactement opposée, et l'un de ces deux objets serait passé à travers une zone de gaz assez dense et aurait, par les perturbations causées par son passage, initié la formation d'étoiles d'un côté, alors que de l'autre côté, il s'est pas passé grand-chose encore. Donc c'est ça le scénario qui est retenu par les auteurs, avec beaucoup de si, évidemment, parce que on ne sait pas si l'autre objet fait partie de ce système ou si c'est un objet d'arrière-plan qui est fortuitement aligné, etc. Donc il faut encore observer ça plus en détail. Les astronomes qui ont fait ce cliché-là, ils ont rapidement partagé leur découverte en disant, nous, on pense que c'est ça, ou on aimerait bien que ce soit ça. On sait jamais trop quand les gens privilégient une hypothèse, qu'est-ce qui est purement rationnel et qu'est-ce qui est un peu affectif. Et puis, la science va prendre son cours normal, c'est-à-dire les gens vont proposer des contre-arguments, et puis on va peser le pour et le contre, et puis finalement décider ce qu'il en est. Nathalie Webb, sur ces différents scénarios possibles? Oui. Effectivement, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. J'aime bien que cette interprétation, quand même, pour expliquer, parce que le traîné qui est observé est vraiment très long. Donc, il faut quand même quelque chose qui a quand même pas mal de moments qui a beaucoup d'énergie à injecter dans une région qui est vraiment très longue dans l'espace. Donc, je trouve que c'est une bonne interprétation. Comme on utilise beaucoup de pincettes depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a beaucoup de si, d'autant plus que des chercheurs. Là, c'est tout récent. C'est fin avril, ouais. Des chercheurs espagnols suggèrent aujourd'hui une autre explication qui est un peu moins exotique, dans une prépublication parue sur Archive, et qu'ils avancent hein, cette autre hypothèse. Ce trou noir errant avec une traînée d'étoiles est en réalité une galaxie plate. Voilà, donc les galaxies que tout le monde connaît sont des galaxies spirales. Une galaxie spirale, en gros, c'est un œuf au plat. Vous avez un disque, c'est le blanc d'œuf, et puis vous avez un bulbe central qui est le jaune d'œuf. Et donc, si vous voyez ça par la tranche, en fait, ça fait une structure qui est assez plate, mais qui souvent a un renflement central. Donc, une galaxie vue par la tranche, c'est pas une ligne. C'est une ligne avec un truc un peu plus épais au milieu. Mais il existe des galaxies dont le bulbe est extrêmement peu prononcé, donc ce sont des galaxies qui sont très plates. Et donc ces chercheurs-là, sur foi de l'analyse de la lumière de cette structure, disent que ça pourrait tout autant être une galaxie d'avant ou d'arrière-plan, peu importe, vue parfaitement par la tranche et dont l'orientation serait parfaitement alignée avec la galaxie dont semble émaner ce jet. Donc pour l'instant, on ne sait pas. C'est aussi improbable. C'est-à-dire qu'il faudrait que la galaxie soit très plate, qu'elle soit parfaitement alignée. Il y a quand même beaucoup de hasard heureux qui expliquerait aussi cette interprétation alternative. Donc pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a des arguments qui sont quand même intéressants pour l'hypothèse trou noir initialement proposée. Nathalie Webb ? Oui, effectivement, c'est un argument intéressant que ce traînée qu'on pense voir est finalement une galaxie très plate. Et en regardant les images, sans faire plus d'analyses, ça semble peu probable, mais évidemment, il va falloir avoir des travaux de plusieurs équipes pour essayer de valider quelle théorie explique au mieux les observations que nous avons sous la main. La prochaine étape va consister à effectuer des observations de suivi avec le télescope spatial, le James Webb de la NASA et l'observatoire Arrigorix Chandra pour confirmer ou infirmer l'existence de ce trou noir supermassif errant. Alors que se passe-t-il lors de la fusion des trous noirs supermassifs à la fin de la fusion de galaxies? Le rôle de ces astres dans la formation des galaxies est un sujet de recherche encore actuel. Restez avec nous, on y vient. Hold to me. Hey, won't you feel the breeze? To the end of my time, I will love you like the only one. In the feeling of love, in my dreams, I'll find you. When you came for me, baby, I was down on my knees. No Money Kids, Black Hole à 16h35 sur France Culture, car nous parlons de trous noirs et plus précisément de trous noirs supermassifs errants. En compagnie de nos deux invités du jour, Alain Riazuelo, chercheur CNRS en poste à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et Nathalie Webb, astronome à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Nous avons parlé de la probable détection de ce trou noir supermassif ensuite, de pourquoi les détecter n'est pas une chose facile. Parmi les outils qui nous permettent d'étudier ces astres errants, il y a les simulations numériques. Les simulations cosmologiques en particulier partent avec des conditions initiales similaires à celles qu'il y avait au début de l'univers, quand il était presque homogène, avec de petites fluctuations de densité. Et pour le reportage du jour, vous vous êtes intéressé à l'une d'entre elles, la simulation Romulus 25. Bonjour Natacha Demoul. Bonjour Natacha. Oui, à la différence des modélisations analytiques ou semi-analytiques, les modélisations cosmologiques tournent parfois plusieurs années. Lancée en 2015 par Michael Tremmel, il a fallu qu'elle tourne 3 ans, mais elle a produit un résultat surprenant. Ce résultat, Martha Volonteri, directrice de recherche du CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, a travaillé dessus. C'est la présence de plusieurs trous noirs supermassifs errants dans les galaxies de masse semblable à la Voie lactée. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la simulation pour qu'on y trouve ces trous noirs ? Quelles sont leurs propriétés et qu'est-ce que cela peut nous indiquer sur l'origine des trous noirs supermassifs errants ? Donc on voit l'image des 3 voies lactées, 3 galaxies similaires à la voie lactée, qui ont été simulées dans une simulation cosmologique. Donc on voit la distribution du gaz dans un disque, la distribution des étoiles aussi. Ces galaxies ont la caractéristique d'avoir n'est pas seulement un trou noir central, comme la plupart des galaxies, y compris la Voie lactée, mais aussi 5-6 trous noirs errants dans la distribution des gaz et d'étoiles, dans ce qu'on appelle les disques, mais aussi dans la lot des matières noires qui est autour de la galaxie. Donc on voit des points, mais on voit aussi des flèches qui partent de ces points. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc les flèches sont la direction de la vitesse de ces trous noirs. La direction et la magnitude de la vitesse. Une petite flèche, c'est un trou noir qui est plutôt long. Une grande flèche, c'est un trou noir qui est très vite. Et donc, cette simulation, quand vous l'avez faite tourner, elle changeait quoi par rapport à celle qui existait déjà ? C'était une des premières simulations où on a inclus la dynamique des trous noirs. Donc les trous noirs massifs qui normalement sont au centre des galaxies, comme dans la Voie lactée, avant, pour la plupart des simulations, étaient bloqués au centre dans une façon artificielle. Mais après, dans cette simulation, on a inclus la dynamique des trous noirs, c'est-à-dire on a inclus une force qu'on appelle friction dynamique. C'est ce qui gère l'évolution d'un corps dans une distribution d'étoiles et gaz. Et avec ça, on a pu suivre dans une façon plus naturelle les orbites des trous noirs dans les galaxies. Et donc le résultat de cette simulation, c'est qu'il y aurait plusieurs trous noirs errants dans chaque galaxie, semblable à la Voie lactée ? Exactement. C'est une prédiction en fait, naturelle de ce type de modèle. Et vraiment, chaque fois qu'on fait ces modèles, on trouve ces trous noirs errants. Et donc, la première fois que j'ai trouvé ce trou noir errant, je ne savais pas quoi faire avec ces trous noirs. Mais après, avec simulation des autres, c'est quelque chose qu'on a vraiment trouvé toujours. La raison est simplement que la plupart de ces trous noirs ne sont pas énormément massifs, même si ils s'appellent des trous noirs massifs, et donc leur gravité n'est pas énorme. Donc ne sont pas, la galaxie n'est pas capable d'attirer ces trous noirs au centre. Et donc pourquoi avoir choisi de simuler spécifiquement des galaxies de la masse de la Voie lactée ? Pourquoi ? Parce que... Bon, la Voie lactée est notre galaxie, donc on peut sonder mieux la distribution des matières dans la galaxie. Et s'il y a un trou noir errant, c'est plus facile à les trouver. Donc a priori, c'est ça. Donc la finalité de ce genre de simulation, c'est aussi de pouvoir la vérifier avec des observations ? Exactement. Après, on a cherché les trous noirs errants depuis 20 ans. C'est très difficile à les trouver. Mais a priori, on a plus de chances dans les galaxies, la galaxie ou dans des galaxies proches plutôt que dans des galaxies lointaines où on n'a pas la capacité avec notre télescope. Et donc, est-ce que cette modélisation, on va la reprendre et la transformer pour intégrer des nouvelles variables, des nouveaux paramètres ? Oui, tout le temps. On essaie d'améliorer les choses tout le temps. Par exemple, dans les simulations Romulus 25, il y avait la fusion dynamique, j'ai déjà expliqué ça, d'où les étoiles et la matière noire. Après, il y avait des autres simulations avec la fusion dynamique d'où au gaz. Maintenant, en 2019, on a mis les deux ensemble. Donc, on a la fusion dynamique des gaz, matière noire et étoiles. Après, on a aussi amélioré la façon de mettre les trous noirs dans la simulation. C'est ce qu'on appelle la graine des trous noirs. On est en train de modéliser mieux la dynamique aussi, parce qu'on a compris que la friction dynamique, ce n'est pas la seule force qui agit sur les trous noirs. Et après, donc ce n'est pas un amélioration du processus physique, mais quelque chose qui est vraiment très important, c'est d'augmenter la résolution de la simulation. Donc il faut améliorer la résolution, c'est-à-dire avoir un élément de résolution beaucoup plus petit, disons idéalement une dizaine d'années lumière, pour mieux comprendre la dynamique des trous noirs, parce que les trous noirs sont très très très petits. Merci Natacha Demoule pour ce reportage. Nathalie Webb, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Et c'est super, c'est très bien que ces simulations montrent que ces genres de trous noirs existent. Et que le fait que, malgré le fait qu'ils sont les trous noirs supermassifs, c'est les moins massifs, donc ceux qui pèsent encore moins. Et ce qui est le cas de la masse qui est estimée pour ce trou noir est rond dont on vient de parler. Donc, c'est en mettant les deux choses ensemble, ces simulations numériques qui indiquent qu'on attend de voir ces trous noirs dans les galaxies et même en dehors des galaxies. Ça dépend s'ils étaient lancés avec des vitesses très importantes ou non. Et quand on a cette observation qui semble appuyer ces types de théories qui sortent des simulations numériques, ça renforce un petit peu la découverte qui, comme on l'avait déjà dit, n'est pas encore sûre, mais quand même est intéressante. Alain Riazuelo, vous aussi une réaction à ce reportage ? Il est intéressant parce qu'on voit que les simulations numériques, un terme peut-être un peu mystérieux, c'est compliqué, c'est un peu une recette de cuisine. On met des ingrédients, on regarde ce que ça donne, puis on rajoute un ingrédient, on regarde ce que ça change, on essaie de se convaincre que ça correspond à des effets physiques plausibles, et puis on se rend compte qu'il y a des limitations, qu'il va falloir améliorer certaines choses, ou acheter beaucoup d'ordinateurs pour avoir plus de puissance, et on voit que le processus, on devine qu'il peut converger, mais on voit que c'est difficile, parce qu'on peut jamais prévoir, là en l'occurrence, on n'avait pas prévu que éjecter des trous noirs lors de fusions galactiques successives, ça se produit apparemment régulièrement, dit-il de ces simulations, alors que intuitivement, c'était pas évident que ça se produisait avec une telle fréquence. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la simulation reproduit ça correctement? Ou est-ce que la simulation a des limitations qui augmentent la probabilité que ceci se produise? Il y a tout ça où on progresse lentement et où les certitudes mettent un peu de temps avant de s'acquérir. On a donc ces simulations et puis les observations. On connaît observationnellement beaucoup mieux les trous noirs supermassifs, mais on ne sait pas ni comment ils se sont formés, ni comment ils deviennent aussi gros qu'ils ne le sont aujourd'hui, Alain Riazuelo. Ça fait partie des gros énigmes de l'astrophysique contemporaine. Oui, alors les trous noirs dans l'imaginaire du public, c'est un machin qui aspire tout sur son passage, et donc d'une certaine façon, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire qu'un trou noir, ça grossit quand même assez lentement. Un trou noir, il met à peu près 3 ou 4 millions d'années pour augmenter sa masse de 10%. Vous, si vous cessez de faire un régime, il vous faut 2 mois pour augmenter votre masse de 10%. Un trou noir, il met 3 millions d'années. Donc ça grossit assez lentement, finalement, un trou noir. Et donc, quand vous observez des galaxies très lointaines dans lesquelles, via la lumière qu'elles émettent, vous identifiez la présence d'un trou noir très massif, Ça veut dire que ce trou noir, même s'il est né juste après le Big Bang, il devait déjà être très massif. En tout cas, il devait être beaucoup plus massif qu'un trou noir stellaire de quelques fois la masse du Soleil. Et donc, les trous noirs supermassifs sont très mystérieux, parce qu'on sait qu'il y en avait qui avaient déjà acquis une masse très importante à une époque très ancienne, alors que leur croissance est a priori limitée par divers facteurs astrophysiques. Et donc, quelle est la graine initiale de ces objets? Est-ce qu'ils sont effectivement limités dans leur croissance comme on pense que c'est le cas? Est-ce qu'on arrive à correctement évaluer leur masse et donc avoir une image à peu près fidèle de ce qui se passe? Ben, il y a un os quelque part. On ne sait pas où il est, mais on sait qu'il y en a un. Et justement, c'est intéressant d'étudier ces trous noirs supermassifs, y compris les événements un peu atypiques comme celui de l'article dont on parle depuis le début de l'émission, précisément parce que ça va nous donner des informations supplémentaires sur ce que vous appelez la vie secrète de ces trous noirs supermassifs. Oui, comme vous dites, l'étude de l'univers lointain a révélé que les trous noirs supermassifs existaient déjà lorsque l'univers n'avait que 5% de son âge actuel. Ça veut dire que les trous noirs ont dû croître extrêmement rapidement, mais les mécanismes de croissance, on reste encore très mal compris. Nathalie Webb, quelles sont les théories pour expliquer comment ces trous noirs ont pu devenir aussi gros? Oui, effectivement, c'est difficile. Il y a plusieurs théories, mais vraiment une grande variété de théories. Donc, effectivement, on peut. Ah, et nous n'aurons pas la joie d'entendre ces théories. Alain Rivasuelo, avant de qu'on se reconnecte avec Nathalie Webb, quelles sont justement ces hypothèses pour expliquer comment ces trous noirs supermassifs sont-ils devenus si énormes? Alors, la première hypothèse, c'est que le taux de croissance des trous noirs, en gros, un trou noir, je dis, il augmente sa masse de 10% en 3 ou 4 millions d'années. En gros, il multiplie sa masse par 2 en 40 millions d'années. Ce qui veut dire qu'il multiplie sa masse par 1000 en 400 millions d'années. Et on observe des trous noirs qui probablement ont une masse de plusieurs milliards d'années-lumière, alors que l'univers a moins d'un milliard d'années. Et donc, la seule possibilité, c'est que au départ, le trou noir ait eu une masse de plusieurs milliers de fois la masse du Soleil. Et ça, c'est curieux, parce que on voit pas comment il aurait pu exister des étoiles d'une telle masse qui se seraient transformées en trous noirs. Donc ça, c'est la problématique. Donc, l'hypothèse numéro 1, c'est que deux telles étoiles ont existé. L'hypothèse numéro 2, c'est que la croissance de ces trous noirs est plus rapide que prévu. Et l'hypothèse numéro 3, qui est un peu le joker ultime des astronomes, c'est que des trous noirs de masse non négligeable se sont formés pendant le Big Bang. Donc ça, c'est presque de la triche, au sens où on voit pas pourquoi ça se serait produit, mais on peut pas prouver que ça ne s'est pas produit, donc on peut toujours invoquer ça comme argument ultime. Voilà. C'est l'hypothèse des trous noirs primitifs, des trous noirs primordiaux, quelques secondes après le Big Bang. Voilà, c'est ça. Donc l'idée générale, c'est que pour former un trou noir, il faut des densités très élevées. Ces densités très élevées sont difficiles à acquérir dans l'univers actuel. Mais il y a une époque de l'univers où la densité partout était très élevée, c'était pendant le Big Bang. Et donc, si les conditions étaient réunies, ce qui n'est pas du tout évident, il est possible que très tôt dans l'histoire de l'univers, des trous noirs aient pu se former. Nathalie Webb, on vous a récupéré. Ce qui est compliqué dans toute cette histoire-là aussi, c'est l'interaction entre les galaxies et l'interaction les trous noirs au centre, hein, quand des galaxies sont en train de coalescer. Ce qui se passe au centre, c'est compliqué à comprendre. Oui, effectivement, oui. Je pense que c'est... Même aujourd'hui, on a du mal à savoir exactement ce qui se passe tout à fait au centre de deux galaxies qui sont en train de coalescer. Il faut savoir que on le voit, ces galaxies qui ont coalescé, elles ont une forme un petit peu bizarre. On ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau des trous noirs. Combien de temps ça prend pour que les deux trous noirs deviennent qu'un seul trou noir? C'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui à savoir. Même les simulations numériques, ça ne permet pas d'avancer pas forcément. On sait que on arrive. On a laissé deux trous noirs de masse stellaire, donc quelquefois. Rivasuelo, l'un des enjeux de la recherche aujourd'hui, oui. Hein, c'est de comprendre comment ces trous noirs aussi ont participé à la formation de grandes structures de l'univers observable. Oui, pour compléter ce que disait ma collègue, une galaxie, ça a une taille qui est d'ordre de 100 000 années-lumière. Et quand vous voulez expliquer comment les trous noirs fusionnent, c'est quand ils sont séparés de moins d'une année-lumière. Donc vous devez à la fois avoir une simulation qui vous décrive un objet qui fait 100 000 années-lumière et qui a une résolution pour voir ce qui se passe à des échelles 100 000 fois plus petites. Et donc faire une simulation numérique qui gère à la fois un très gros objet, la galaxie dans son ensemble, et une très petite zone qui est la zone centrale, c'est très difficile. Et c'est pour ça que simuler des galaxies, c'est compliqué, parce que vous avez un problème multi-échelle, c'est-à-dire vous avez des échelles de... Vous avez des phénomènes très brefs, mais qui se produisent à plein d'époques différentes. Vous avez des phénomènes très importants, mais qui se produisent dans des régions très petites. Et pendant que vous simulez ceci, bah vous figez finalement le reste de la simulation, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que évidemment, ce qui vous intéresse, c'est l'évolution de la galaxie dans son ensemble. Donc, les galaxies, c'est des objets compliqués à simuler, parce qu'il se passe plein de choses sur des échelles de distance et sur des échelles de temps qui sont extrêmement variables. Et donc, la question de comment les trous noirs fusionnent, c'est une question qui n'est pas possible de... à laquelle il n'est pas possible d'apporter une réponse sur une unique simulation. On va faire plusieurs bouts de simulation, plusieurs, on va utiliser des méthodes pour raccorder une simulation de la galaxie à grande échelle et une simulation de la région centrale de la galaxie, sans trop savoir si tout ceci est parfaitement rigoureux dans la façon dont on raccorde ces solutions. Et donc, c'est un problème qui est compliqué. Oui, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas détecter la fusion des trous noirs supermassifs à la fin de la fusion des galaxies. Alors, pas encore. Encore. Mais bientôt. Et ça, c'est les promesses de LISA, Alain Riazuelo. Voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait qu'on détectait les trous noirs quand ils fusionnaient. Et ce que l'on détecte, ce sont les fusions de trous noirs stellaires. Donc, des trous noirs qui font quelques fois la masse du Soleil, qui spiralent l'un vers l'autre et qui, quand ils sont très proches l'un de l'autre, tournent très vite l'un autour de l'autre, et comme c'est des objets qui sont petits, ils tournent des centaines de fois l'un autour de l'autre. Donc les vibrations de l'espace qu'ils génèrent, c'est des vibrations qui vibrent plusieurs centaines de fois par seconde, exactement comme les vibrations de l'air, du son de nos voix. Donc ces vibrations-là, on sait les détecter avec des détecteurs qui sont sur Terre. Quand vous avez des trous noirs beaucoup plus gros, vous avez le même phénomène, mais comme les objets sont plus gros, tout se passe comme si on était un peu au ralenti, c'est-à-dire que les trous noirs très gros, ils mettent plusieurs minutes, voire plusieurs heures à tourner l'un autour de l'autre. Et donc ces vibrations-là, depuis la Terre, vous pouvez pas les détecter, tout simplement parce que sur Terre, vous avez la sismicité, les activités humaines qui font que vos détecteurs ne sont pas parfaitement isolés. Et donc pour détecter ça, il faut aller dans l'espace. Et un détecteur d'ondes gravitationnelles, c'est très compliqué à faire au sol, et vous imaginez que c'est encore plus compliqué à faire dans l'espace, d'où le fait que on n'a pas encore fait ça. Et voilà, et ça, ce sera le projet, le lancement de LISA, ce détecteur, cet observatoire d'ondes gravitationnelles spatiales. Donc, on attend le lancement en 2032. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On rejoint à présent un autre physicien amoureux des trous noirs, c'est Étienne Klein. Et c'est l'heure de sa chronique, le pourquoi du comment. Comment se mesurent les risques ? L'existence d'un risque nécessite bien sûr celle d'un danger, mais la notion de risque ne se confond pas avec celle de danger, contrairement à ce qu'indiquent nos façons ordinaires de dire. Un risque est égal au produit de l'exposition par le danger, ou, si l'on préfère, au produit de la probabilité d'un dommage par sa gravité. Cela signifie que s'il n'y a pas d'exposition à un danger, il n'y a pas de risque. Par exemple, le risque associé à la pratique de l'alpinisme est rigoureusement nul pour ceux qui ne mettent jamais les pieds en altitude. Mais ils peuvent être indirectement affectés par ce risque si l'un de leurs proches se tue en montagne. Autre conséquence de cette définition du risque en forme de multiplication, un risque peut être élevé soit parce que la probabilité est élevée, exemple accident de la route ou cancer lié au tabac, soit parce que la gravité est élevée, exemple attentat terroriste ou catastrophe naturelle. À l'inverse, un risque peut être faible parce que la probabilité est faible, exemple chute de météorite de plusieurs kilomètres de diamètre, ou parce que la gravité est faible, exemple maladie bénigne. Reste que la mesure d'un risque n'est pas toujours facile à effectuer. Au moins trois types de situations peuvent se présenter. Premier cas, le risque est objectif. Les probabilités des dommages et la gravité de ces dommages sont connues. Les techniques traditionnelles de l'évaluation des risques s'appliquent alors directement. Deuxième cas, le risque est subjectif. Les types et l'ampleur des dommages possibles sont connus, mais pas leur probabilité. Les techniques classiques d'évaluation ne s'appliquent plus. sauf si l'on adhère à une conception subjective des probabilités, considérées comme de simples degrés de croyance. Dans ce cas, le principe de précaution s'applique et incite à mener des recherches supplémentaires afin de mieux déterminer les différentes probabilités objectives. Troisième cas, le risque est incertain. La mesure des dégâts et la caractérisation des causes sont elles-mêmes floues, soit à la suite d'un désaccord entre les experts, soit en raison d'une contestation sociale, soit du fait d'une limitation des connaissances acquises. Cette taxinomie grossière se complique si l'on tient compte du fait que pour qu'un risque soit considéré comme tel, il faut pouvoir imaginer une action permettant de le réduire. Par exemple, c'est à partir du moment où le risque routier a été désigné comme un véritable risque, c'est-à-dire comme un phénomène dont on pourrait diminuer l'intensité, qu'il est devenu inacceptable. On a alors imaginé des moyens permettant de le réduire, ceinture de sécurité, rond-point, limitation de vitesse, etc. Si rien n'est imaginé qui permette de réduire un risque donné, celui-ci n'est pas encore un risque. Il est une sorte de fatalité ou de donnée de la condition humaine que nous sommes bien obligés d'accepter. C'est la raison pour laquelle le sociologue David Fleming a eu raison d'élaborer ce qu'il a appelé un principe inverse d'évaluation des risques. La propension d'une communauté à reconnaître l'existence d'un risque est déterminée par l'idée qu'elle se fait de solutions permettant de le réduire. Fin de citation. Ce principe permet également de comprendre comment la notion de risque a pu devenir si prolifique. Dès lors que l'activisme technologique, en même temps que notre inquiétude, s'infiltre dans presque tous les secteurs de nos existences, tout danger identifié devient l'objet d'une attention particulière qui finit par déboucher sur différents types de mesures censées diminuer la probabilité d'occurrence ou l'amplitude de ce danger. Mesures techniques ou législatives, règles, interdictions, campagnes de prévention, etc. Mais de temps en temps, il est bon de se remettre à l'esprit cette phrase du physicien anglais Thomas Fuller. « Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. » J'ajouterai « ni ne gravira la moindre montagne. » Ce qui me donne un joli prétexte, justement, pour les mettre les voiles. À bientôt. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Nafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Céline Lausanne, Natacha Demoule, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. Cette émission se podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.